Par une soirée avancée, se fait surprendre en pleine vocifération par l'intelligentsia organisée, par les bien pensants en action. QSM ne se laisse pas déborder et répond toujours du tac au tac. QSM n'a pas de plan B. Sa seule tactique, c'est l'attaque à coups de riff malsain et d'arpèges assassins. QSM part en guerre. Et sonne le tocsin contre l'esprit grégaire des moutons qui l'entourent. QSM vote contre les agneaux qui votent pour. QSM gicle sa semence fétide à grands coups d'hectolitre. QSM te tape dans le bide sous le nez de l'arbitre. QSM se fout de tout, ouais, comme de l'an 40. QSM est un voyou qui s'extasie de ses fiances. QSM, rendez-vous. Vous êtes cernés. Jamais. Pas d'enterrement. Ne faites pas l'enfant. On peut se montrer clément. Va te faire foutre. C'est une piste en cul. T'auras des mûries. Et je parle même pas de ta maman. QSM est content de sa crotte. Rien à foutre du candidat. QSM a le droit de vote, comme la plupart des cons. QSM est cerné, mais jamais ne panique. Tous s'y sont frottés avant que QSM les nuque. C'est pas la première fois que QSM est cerné. C'est pas la dernière fois que viendra la maréchaussée. QSM est le pilier de la résistance jusqu'à nouvel ordre. QSM est en transe. QSM est intemporel et c'est pour ça que tu paniques. Et comme une vieille pucelle, QSM te nique. Lâche pas la d'incondant, on s'en vous vaincu. Répète encore. QSM est grand, on s'avoue vaincu.